Christus zu haben bedeutet, dass unser Problem gelöst ist. Aber Jésus-Christ veut dire que notre problème est résolu. Amen. And then I went to this. They then went to Samuel. Amen. Sie sind dann zu Samuel gegangen. Ils sont partis chez Samuel. Then, because of time, let's go to verse. You know, here, if you look at here, the men went and they went to, they were started now, they were no longer after the axes that were lost. They were now going to a prophet to tell them what to do. And they looked for the prophet and they made the prophet. Then verse 15. Verse 15. Now the Lord had told Samuel in his ear a day before Saul came saying, are you getting it? The Lord had revealed Saul to Samuel that somebody is coming already. Der Herr hat Samuel schon offenbart, dass jemand kommen wird. Et l'Éternel avait déjà révélé à Samuel que quelqu'un allait arriver qu'il allait oindre en tant que chef de son peuple, du peuple israélien. Peuple d'Israël, pardon. Saul and his servant thought they were still looking for the axe. It was for them, it was all about the axes. Saul und they forgot it was all about somebody must be a king for them. Sein Knecht dachten, es ging immer noch darum, diesen Esel zu suchen, aber es ging eigentlich darum, einen König zu salben. Et Saul et le serviteur, pour eux, il s'agissait de trouver l'âne. Mais pour Samuel, il s'agissait de trouver le roi de Israël. Susie, can you help us to read verse 16? Yeah. Morgen um diese Zeit will ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden. Den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel sagen, damit er mein Volk aus der Hand der Philister errette. Denn ich habe mein Volk angesehen, weil sein Rufen von mich gekommen ist. Praise the Lord. Hallelujah. He said, tomorrow, about this time, I will send thee a man out of the land of Benjamin, and thou shalt anoint him to be captain over my people, Israel, that he may save my people out of the hand of the Philistines. For I have looked upon my people, because their cry is come unto me. Praise the Lord. Hallelujah. You can see man is doing something and God is also working with it. Der Mensch tut etwas und der Herr arbeitet damit. Et là on peut voir que l'homme est en train peut-être agir mais en même temps l'Éternel aussi est en train d'agir. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. You know, if things were working for them, would they look for the seer? Hätten die, or the prophet? Wäre alles nach Plan gelaufen, hätten sie dann nach dem Propheten gesucht? Est-ce que si Saul aurait déjà trouvé l'âne avant, si tout aurait marché selon leur plan, est-ce qu'ils auraient cherché Samuel? You know, they were working for their father, looking for what their father sent them. That's King Saul. Amen? Saul. But the Lord was working for himself. Are you getting it? Saul had they were busy doing something for the flesh. But the Lord was using it for his own purpose. Saul hat für seinen Vater gearbeitet, um versucht ihm zu helfen, aber der Herr hat diese Situation genutzt für sein Werk. Donc Saul était en train de travailler pour la chair, donc il est en train de chercher quelque chose. Enfin, l'âne pour son père, donc il travaillait pour son père, mais l'Éternel l'a utilisé en même temps afin que ça puisse marcher selon son propre but. And that's why though things are not working well. It might not be working well, thank the Lord. If you are obeying his voice, are you getting it? Danke dem Herrn, besonders wenn du seiner Stimme gehorchst. Donc même si les choses ne fonctionnent pas selon ton plan, mais remercie toujours l'Éternel parce que ça peut, c'est fort possible que l'Éternel est en train d'agir aussi en ce moment. You know, they were obeying the voice of their father. And the Lord was using it to work for himself. Der Stimme ihres Vaters gehorcht und der Herr hat es genutzt für sich selbst. Ils étaient en train d'obéir à la voix du père du roi Saül, mais l'Éternel l'a utilisé pour son propre but. The situation, at time goes on, the situation looked bad. It was as if nothing was working. Die Situation sah aus, als ob es schlechter wird, sah aus, als ob nichts besser wird. Et dans ce moment-là, dans la situation-là, il paraissait que, non, on dirait que rien ne fonctionnait pour eux, alors que tout fonctionnait en leur faveur. You can see how the Lord can use anything bad for good for you. Können Sie mir der Herr das schlechte, das Gute nutzen kann. Et là, on peut voir que vraiment l'Éternel peut utiliser des mauvaises circonstances en ta faveur. Amen. Amen. If they have found it, if things work out as they plan it, they will not look for the prophet. Hätten die Dinge so nach Plan, wenn Dinge nach Plan verlaufen, dann hätten sie nicht nach dem Propheten gesucht. Parce que si si Saül avait trouvé l'âne avant, ils n'auraient pas cherché le prophète. The Lord knows how to work things out for his children. Der Herr weiß, wie man Dinge wie Dinge für seine Kinder Gottes funktionieren. Et l'Éternel, il sait comment prendre soin de ses enfants, il sait comment les choses doit se passer afin que les choses se passent en sa faveur. And that is why in everything praise the Lord. Deswegen sollen wir ihm bei allem danken. Et c'est la raison pour laquelle on doit toujours remercier l'Éternel. Amen. Amen. If you are obeying his voice. Wenn du seiner Stimme gehorchst. Si tu obéis à sa voix, c'est la raison pour laquelle on doit toujours remercier l'Éternel. And not when disobeying him. Mais pas quand on désobéit. If you are disobeying him, repent. Wenn du ihn missachtest, wenn du ihn missachtest, dann tu bitte Buße. Si tu désobéis l'Éternel, tu dois te repentir. But obey him, well, no matter how things go from bad to worse. Praise the Lord. Aber ihm zu gehorchen, egal wie schlecht die Situation wird, danke ihm dennoch. Deuteronomy 30, please. 5. Mose 30. Deuteronom 30. Praise the Lord. Halleluja. From verse 19 to the end. 19 bis zum Ende. He said, I can have one and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and curses. Therefore choose life, that both thou and your seed may live. Verse 20. That thou mayest love the Lord your God, and that thou mayest obey his voice. Obeying his voice. Deiner Stimme gehorcht ist sehr, sehr wichtig. Amen. Amen. And that thou mayest cleave unto him, to be one with him. Dass du eins bist mit dem Herrn. Être un avec l'Éternel. For he is your life, and the length of the days, that thou mayest dwell in the land, which the Lord swore unto your father, to Abraham, to Isaac, and to Jacob. To give them. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendant ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Learn to choose to obey his voice. Lernt deine Stimme zu gehorchen. Apprenez à obéir à la voix de l'Éternel. Amen. Amen. If things seem not, if it seems it seems that things are not even working. Même si on dirait que les choses ne fonctionnent pas pour toi, comme tu le désires. Amen. According to how it's supposed to be. So, wie du es dir vorgestellt hast, wie es eigentlich sein sollte. Selon ton imagination, selon le système de ce monde peut-être. Still be thankful. Sei dennoch dankbar. Sois toujours reconnaissant. Never regret it. Bereue das niemals. Ne regrette jamais. Never regret obeying His voice. Bereue niemals seine Stimme zu gehorchen. Ne regrette jamais d'obéir à la voix de l'Éternel. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Alleluia. You are not obeying His voice in vain. Du gehörst seiner Stimme nicht vergeblich. Ton obéissance n'est pas en vain. And you are not obeying His voice so that things will work. Tu n'obéis pas à sa voix afin que les choses fonctionnent. But because He is the only true God. Sondern weil er der einzig wahrhaftige Gott ist. Parce qu'il est le seul vrai Dieu. You are looking for Him and not things. Du suchst nach ihm und nicht nach Dingen. Tu cherches l'Éternel et pas des biens. You want to know Him and not knowing things. Du willst ihn kennen und nicht Dinge kennen. Tu veux connaître l'Éternel et pas connaître les choses de ce monde. If you look at Joseph, he never obeyed so that things will work well. Joseph beispielsweise, er hat nicht gehorcht, damit Dinge laufen. Joseph, par exemple, n'est pas obéissant afin de que certaines choses marchent pour lui. Oh, the three Hebrew boys, they did not obey so that there would be no fire. Oh, die drei hebräischen Jungs haben auch nicht gehorcht, damit es kein Feuer gibt. Ou les trois garçons hébreux, ils n'étaient pas obéissants afin qu'il n'y ait pas de feu. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. To believe Christ means to obey His voice. Christus zu glauben bedeutet seine Stimme zu gehorchen. Donc obéir au Christ. Christus zu gehorchen bedeutet. Christus zu glauben. Obéir à l'Éternel, au Christ, veut dire de croire à l'Éternel. Are you getting it, please? Mm-hmm. And in all, King Saul never obeyed His voice. Und in allem hat König Saul seiner Stimme nicht gehorcht. Et en tout, le roi Saül n'a pas obéi à la voix de l'Éternel. If we go to 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. He never obeyed His voice. Er hat seiner Stimme though nicht gehorcht. Though he was anointed. Obwohl er gesagt war. Amen. Il n'a jamais though obéi à la voix de l'Éternel, même s'il a été loin. Obwohl er ausgewählt ist. Il a été choisi. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Remember, I turned it to another man. Er wurde Amen. Zu einem neuen Mensch gemacht. Rappelez-vous, il a été changé à un autre nom. Remember, he changed him to become another man. And he gave him another heart. Mm. But upon all, he did not obey His voice. Er hat einen neuen Menschen aus ihm gemacht und ein neues Herz. Und dennoch hat er nicht ihm befolgt, vollkommen. Mm. Donc l'Éternel a fait de Saül une nouvelle personne et lui a donné même un nouveau cœur, mais il a quand même pas été capable à obéir à la voix de l'Éternel. Are we there, please? Mm-hmm. Amen. 1 Samuel 13:5. And the Philistines gathered themselves together to fight with Israel. 30,000 chariots and 6,000 horsemen. And people as the sand which is on the seashore, in multitude. And they came up and pitched in Michmash, eastward from Beth-Saven. Verse 6. Perfect. When the men of Israel saw that they were in a strait, but the people were distressed. Then the people did hid themselves in caves, and in thickets, and in rocks, and in high places, and in pits. Verse 7. Mm-hmm. And some of the Hebrews went over Jordan to the land of Gad and Gilead. As for Saul, he was yet in Gilgal, and all the people followed him, trembling. And he tarried 7 days. They don't, you know, it's still the same today. Mm-hmm. Et c'est aussi, aujourd'hui, c'est aussi la même chose encore. How we are so fearful. Wie wir so angst, full of fear. Voll von Angst sind. Nous sommes toujours remplis de peur. Or being threatened how things are going to work. Will it work or not? Bedroht sind mit der Vorstellung, wie es weitergehen kann oder soll. Ou alors... l'avenir nous menace. They are not even different. We are not different from them today. Wir sind nicht anders als sie heute. Nous sommes pas différents eux aujourd'hui. Amen. Amen. According to the set time that Samuel had appointed, but Samuel came not to Gilgal, and the people were scattered from him. The time should not be your problem. Zeit sollte nicht unser Problem sein. Le temps doit pas être notre problème. If the time will pass, let it pass. Wenn die Zeit vergeht, lass sie vergehen. Amen. Si le temps passe, laisse le temps passer. You know, here time was threatening them. Hier hat Zeit sie bedroht. Ici, le temps, on peut voir que le temps les a les menacés. Amen. Let me read it tonight. And Saul said, bring hither a burnt offering to me, a peace offering. And he offered the burnt offering. Praise the Lord. Amen. King Saul did not obey the voice of Samuel. König Saul hat der Stimme von Samuel nicht gehorcht. Le roi Saül n'a pas obéi à la voix de Samuel. Remember, God did not speak directly to Saul. He spoke to Samuel. And Samuel revealed it to Saul. Gott hat nicht direkt zu Saul gesprochen. Er hat zu Samuel gesprochen und Samuel hat dem Gott hat dann Saul offenbart. Et rappelez-vous que l'Éternel n'a jamais parlé directement au roi Saül. Il a d'abord parlé à Samuel et Samuel a révélé les choses que Dieu lui a dit au roi Saül. Just like the message you are hearing today. Genauso die Botschaft, die wir heute hören. And you will continue to hear. Wir weiterhin hören werden. It's coming from him. It comes from him. Tout comme le message que vous entendez ici aujourd'hui, il vient de lui. Amen. Amen. Amen. And I'm giving it to you. Und das gebe ich euch heute weiter. Et je vous donne aujourd'hui. Will you believe? Aber werden wir das glauben? Est-ce que tu vas croire? Or will you be like King Saul? Oder werden wir wie König Saul sein? Ou tu vas être comme le roi Saül? That did not believe. Der nicht geglaubt hat. Qui n'a pas cru. Amen. Amen. Did not obey the voice of Samuel. Der nicht der Stimme von Samuel gehorcht hat. Qui n'a pas obéi à la voix de Samuel. Samuel's voice is the voice of God. Samuel's Stimme ist die Stimme Gottes. La voix de Samuel est la voix de Dieu. Just like my voice is the voice of Christ today. Genauso wie auch heute meine Stimme die Stimme von Christus ist. Tout comme ma voix aujourd'hui est la voix de l'Éternel. Amen. You know, if you look at verse. Let us read it forward. You know, King Saul have a lot of excuses. König Saul hat viele Entschuldigungen. Le roi Saül a beaucoup d'excuses. Just like we have excuses today why we will not obey Christ. Genauso wie wir viele Ausreden haben, weshalb wir dem Herrn nicht gehorchen. Tout comme nous aujourd'hui on a beaucoup d'excuses. Amen. Pour pas obéir à la voix de l'Éternel. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 10. Verset 10. And it came to pass that as soon as he had made an end of offering, the burnt offering, behold, Samuel came, and Saul went out to meet him, and that he might salute him. Verse 11. And Samuel said, what have thou done? And Saul said, because I saw the people. Can you see excuse? Amen. Vous pouvez voir l'excuse de Saül parce qu'il a vu la foule. You can see excuse that look. Que le peuple se dispersait, pardon. Une ausrede qui good aussieht. Amen. Son excuse était plausible. He obeyed the voice of the people and not the voice of God. Et la Stimme der Menschen befolgt und nicht die Stimme Gottes. Mais on peut voir qu'il a obéi, qu'il a suivi la voix du peuple et pas la voix de l'Éternel. The voice of the flesh and not the voice of the spirit. Die Stimme vom Geist und nicht die vom Fleisch. La voix de la chair et pas la voix de l'esprit. You know, he's excuse for disobeying Samuel. His excuse to obeying Samuel. Son excuse pour obéir pour pas obéir à la voix de Samuel. Will Christ accept the excuse? Würde Christus diese Ausrede akzeptieren? Wäre das okay für ihn? Est-ce que le Christ va accepter son excuse? Amen. Amen. You know, people have different excuses. Leute haben verschiedene Ausreden. Les gens ont des différentes excuses. Amen. Amen. They obey different voice. Sie gehorchen verschiedenen Stimmen. Ils obéissent à des voix différentes. Amen. The voice of the body. Die Stimme des Körpers. La voix de la chair, la voix du corps. The voice of their job. Die Stimme ihres Arbeitsplatzes. La voix de leur travail. The voice of their parents. Die Stimme ihrer Eltern. La voix de leurs parents. The voice of their friends. Die Stimme ihrer Freunde. La voix de leurs amis. The voice of the old man. Die Stimme des alten Menschen. La voix de l'ancienne personne. Amen. Amen. King Saul obeyed the voice of the people. King Saul hat die Stimme der Menschen gehorcht. Et le roi Saül a obéi à la voix des hommes. He obeyed the voice of the time. The time has voice. Die Stimme der time Zeit, is going. Er hat die Stimme der Zeit gehorcht, weil Zeit hat auch eine Stimme. Il a obéi à la voix du temps parce que le temps a aussi une voix. Amen. Samuel was late. Amen. That was, you know, the voice of the time. Samuel war zu spät und die Stimme der Zeit hat zu Saul gesprochen. Samuel était en retard et la voix du temps a parlé à Saül. Amen. Amen. Excuse that makes sense. Ausreden, die für den Menschen Sinn machen. Une excuse qui est plausible pour l'être humain. It makes sense to man, but not to God. Diese Ausreden machen Sinn für den Menschen, aber die machen vor Gott sind sie sinnlos. Ces excuses sont censées à l'œil de l'homme et pas à l'œil de l'Éternel. Amen. Amen. The voice of the people. Die Stimme der Menschen. La voix des êtres humains. Amen. Like just like today's politicians. Genauso wie die wie heutzutage die Politiker. Comme les politiciens aujourd'hui. Amen. You know, are we even different from them? Sind wir God's children, are we different from them? Sind wir Kinder Gottes heute? Sind wir gibt es einen Unterschied zwischen uns Kindern Gottes und den Politikern dieser Welt? Est-ce qu'il y a une différence entre les politiciens de ce monde et nous, les enfants de Dieu? You know, once you come to blessing Christ. Wenn es darum geht, Jesus Christus zu segnen. Quand il s'agit de bénir Jésus-Christ. The first, you know, we first obey the voice of our bills. Dann wir gehorchen zuerst der Stimme unserer Rechnungen. On obéit d'abord à la voix de nos factures, par exemple. Amen. The voice of our Savior, just like they obey the voice of the people. Is somebody getting it? Genauso wie diese Menschen, die der Stimme der Menschen nachgehen, gehen wir, Kinder Gottes, der Stimme unserer Rechnungen nach. Le roi Saül a obéi à la voix du temps ou à la voix du peuple qui se dispersait. Nous aussi, on obéit à la voix de nos circonstances, à la voix de nos factures, par exemple. The voice that threatened them, the voice of the people. Die Stimme, die sie bedroht, die Stimme der Menschen. La voix qui les a menacés, la voix des hommes. The so-called God children are not different from today's politicians. Die sogenannten Kinder Gottes, es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen und den Politikern dieser Welt. Il n'y a pas de différence entre les politiciens et les soi-disant enfants de Dieu aujourd'hui. They obey the voice of the people, but we obey the voice of our debts, the voice of the bills to pay. Sie gehorchen den Stimmen der Menschen und wir, also die Kinder Gottes, gehorchen der Stimme von Rechnungen. Parce que les politiciens obéissent à la majorité, à la voix de la population, à la voix du peuple. Mais nous aujourd'hui, on obéit la voix de nos circonstances, encore une fois, la voix de nos dettes, de nos factures. We obey the voice of the flesh. Wir gehorchen der Stimme des Fleisches. On obéit à la voix de la chair. And we are full of things are going to get worse. The beings we get, we grow bigger. Wir sind voll mit den Gedanken, dass die Situation schlimmer wird, dass die Rechnungen noch mehr werden, noch höher werden. Et on est rempli de la peur du futur, la peur de l'avenir, que la situation va s'aggraver. Et We are afraid that the bills will be bigger than Jesus. Wir haben Angst, dass die Rechnungen größer werden als Jesus Christus. On a peur que nos factures deviennent plus grandes que Jésus-Christ. Bigger than what Christ can pay. Größer als das, was Jesus Christus zahlen kann. Plus grand que le montant que Jésus-Christ peut payer. Why should he pay it if you can pay it? Warum sollte er es zahlen, wenn du es zahlen kannst? Mais pourquoi Jésus-Christ doit le payer si toi-même tu peux le payer? You are the one paying it. Du bist die Person. If your motive of paying it is fear. Wenn dein Motiv, weshalb du Rechnungen zahlst, Angst ist, dann bist du auch die Person, die diese Rechnung zahlt. Si ton motif, si la raison pour laquelle tu payes tes factures est la peur, là tu es la personne qui est en train de payer ces factures. Proof. Proof who is paying your bills. Because he is the one that's supposed to pay it. But you prove who pays your bills. Then we're going to how to prove it. Prüfe, wer deine Rechnungen zahlt, denn eigentlich sollte Jesus Christus die Person sein, die deine Rechnungen zahlt. Deswegen muss jeder Einzelne prüfen, wer Rechnungen zahlt, ob du selbst bist oder ob es Jesus Christus ist. Ah, donc on doit vérifier qui paye réellement nos factures. Est-ce que on les paye tout seul ou c'est Jésus Christ qui les paye? You know, you meditate on your salary both day and night. Du meditierst Tag und Nacht auf dein Gehalt. Amen. Tu es concentré jour et nuit sur ton salaire. Mais ce soir, c'est méditer sur moi. Amen. Mais son Wort sagt, auf ihn, auf Jesus Christus. Mais sa parole nous dit qu'on doit être concentré sur lui seulement. Amen. Amen. You calculate your bills first before Christ. Du kalkulierst alles, deine ganzen Rechnungen schreibst du auf, bevor du Jesus Christus aufschreibst. Tu calcules d'abord toutes tes dépenses avant de non, tu calcules toutes tes dépenses, tu les écris avant d'écrire même le nom de Jésus-Christ. You know, in Nigeria, here in Nigeria, I don't know of Nigeria concerning Africa. You know, it's different from here. Here, they are not after bills, but they are after food. Here, they are after bills, but there, they are after food. It's all about food. Hier in Europa geht es den Menschen Rechnungen. Aber das, was ich von Afrika kenne und gesehen habe, ist, dort geht es den Menschen eigentlich nur um Essen. En Europe, il s'agit peut-être la préoccupation des hommes ici sont les factures. Mais en africain, il s'agit de la nourriture. Your bills threaten you more than Christ. Deine Rechnungen bedrohen dich mehr als Christus. Mais deine Rechnungen bedrohen dich mehr als Christus. Mais tes factures te menacent même plus que l'Éternel, plus que le Christ. Let me just help you to get how to prove who pay your bills. Amen. Je vais vous aider à comprendre. If you are the one paying your bills, you will never stop paying your bills. Wenn du die Person bist, die deine Rechnungen zahlt, wirst du niemals aufhören, deine Rechnungen zu zahlen. Si tu es la personne qui paye ses factures, tu vas jamais arrêter de payer tes factures. Are you getting it? If, for example, you are not going to be paid in your place of work for 3, 4, 6 months, for example, what will come first into your heart? Wenn du beispielsweise, wenn dein Arbeitsgeber dir jetzt sagen will, dass du für 3 bis 6 Monate nicht mehr gezahlt wirst, Was wäre dein erster Gedanke? Si ton supérieur au travers on te dit que tu seras pas payé pendant 3 à 6 mois, quelle va être ta première pensée? Praise the Lord. First of all, if not all of us, the first is how do I pay my bills? Für die Mehrheit von uns wäre wahrscheinlich der erste Gedanke. Christ will never be the first. Wie zahle ich jetzt meine Miete? Die meisten von uns würden gar nicht darüber nachdenken, wie wir jetzt in die Gemeinde sehen. Is somebody getting something here? Ta première pensée va être comment je vais payer mes factures et pas tu vas pas te demander comment je vais bénir la maison de Dieu. Are you getting it? How will I pay my here in Europe? How will I pay my bills? How will I pay my house rent? In Nigeria, will be how will we eat? Are you getting it? In Europa, wenn die Menschen darüber debt I'm owing. In Europa, wenn die Menschen darüber nachdenken, wie zahlen wir unsere Miete, wie zahlen wir unsere Schulden? Und in Afrika, wenn Menschen darüber nachdenken, was essen wir dann? In Europa, les gens se sont demandé comment je vais payer mes factures, comment je vais payer mes dettes, mais en Afrique ils vont se demander comment on va manger. I will be surprised if Mark first remember Christ. Ich wäre sehr überrascht darüber, wenn der Mensch. But how am I going to bless the house of Christ? Wenn der Mensch sich in. That should be number one. Ich wäre sehr darüber überrascht, wenn der Mensch sich in so einer Situation darüber Gedanken machen würde, wie er dann in der Lage wäre, in das Haus Gottes zu geben, wie er in der Lage wäre, Jesus Christus zu segnen. Tu serais surpris si l'homme va se demander comment il va bénir la maison de Dieu. The answer to your proof will tell you who is paying your bills. Jeder einzelne von uns muss sich diese Frage stellen und die Antwort dazu wird verraten, wer seine Rechnungen zahlt. Et chacun d'entre nous doit se poser cette question et la réponse à cette question va nous montrer qui paye réellement nos factures. You or Christ. Toi ou Christ. Toi ou le Christ. Amen. Amen. Et get proof who is paying your bills. Ich wiederhole es nochmal. Prüft, wer eure Rechnungen zahlt. Encore une fois, vérifiez qui paye vos factures. Amen. Proof what threatens you. Prüft, was dich bedroht. Was dich zum. Examine, vérifie ceux qui te menacent. Prove who you believe most. Prüfe, wem du mehr glaubst. Examine ou vérifie à qui tu crois plus. The three Hebrew boys were not threatened by the king and the fire. Die drei hebräischen Jungs. But we are threatened by bills. Die drei hebräischen Jungs haben sich nicht bedroht gefühlt von dem König. Und auch nicht bedroht gefühlt von dem Feuer, was noch heißer gestellt wurde. Aber wir fühlen uns bedroht von Rechnungen. Nous, on est menacés aujourd'hui de nos factures ou de nos dettes. Mais les trois garçons hébreux, par exemple, ils n'étaient pas menacés du roi ou du feu qui était devant eux. So there anything money threatening God's children? Heutzutage, alles, was mit Geld zu tun hat, bedroht uns. Mais aujourd'hui, tout ce qui a à voir avec l'argent nous menace aujourd'hui, les enfants de Dieu. The Bible calls money the least. Aber die Bibel nennt Geld das Geringste. Mais la Bible dit que l'argent est le plus petit. Ouais. Amen. If we can be threatened by the least, how much more the much? Wenn uns das Geringste schon bedroht, wie viel mehr wird uns dann das Größere bedrohen? Et donc, et si ce que l'Éternel appelle le plus petit peut nous menacer, à quel point les grandes choses vont nous menacer? The three Hebrew boys, what they were facing and what you are facing today, which is more. Amen. They refused to be threatened by what? They were threatened by debt. Amen. To be bound to debt. They refused to be threatened. But we today, anything money. Threatening is greater than even death. It's a pity. vergleiche die Situation, in der du dich befindest, mit der Situation von den weiblichen Jungs. Und vergleiche, welche Situation größer ist. Denn diese drei Männer, die wurden bedroht mit dem Tod, die wurden damit bedroht, verbrannt zu werden. Ja, und wir werden nicht mit sowas jetzt bedroht, aber diese drei hebräischen Jungs, die haben sich geweigert, diese Bedrohung größer zu sehen als Jesus Christus. Mhm. Aber wir müssen uns jetzt auch lernen, aber wir fühlen uns bedroht von Rechnungen. Ah, donc tu dois comparer ta situation aujourd'hui à la situation des trois garçons hébreux. Eux, leur vie a été menacée et ils étaient capables à croire en la vérité de l'Éternel, à rester ferme dans la foi. Et nous aujourd'hui, on est menacés par des dettes ou par des factures. Qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est plus menaçant, on peut dire? What threatens us today is money. And what threatens them then was more deadlier than what is threatening us today. They were able to still believe God more than we are believing Him today. Das, was uns heutzutage bedroht, ist Geld. Das, was aber diese drei hebräischen Jungs bedroht hat, war ein qualvoller Tod durch Feuer. Aber sie waren in der Lage, Jesus Christus zu glauben, obwohl das, was deren Bedrängnis war tödlicher als unsere Bedrängnis, die jetzt beispielsweise Geld ist. Encore une fois, si tu compares ceux qui nous menacent aujourd'hui, nos factures par exemple, et ceux qui ont menacé les trois garçons hébreux, c'était vraiment la mort, c'était d'être brûlés vivants. Mais eux, ils étaient capables à rester dans la foi, or que leur menace était beaucoup plus mortelle que la nôtre aujourd'hui. Which of these two is more deadly? What Daniel was facing and what you are facing? Welche zwei Situationen sind tödlicher? Das, was Daniel vor Augen hat, oder was du jetzt vor Augen hast? Et qu'est-ce qui était plus mortel? La situation de Daniel ou ta situation aujourd'hui? Amen. Était plus menaçante. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Which of the two is more dangerous? That what we are facing today and what they were facing then. Welche Situation ist gefährlicher? Die du jetzt gerade hast oder die damals hatten? Et quelle situation est plus dangereuse? La situation que tu as aujourd'hui ou leur situation? If the Lord can save them, if He will save them, you are already saved. Amen. And the Herr die drei brüchigen Jungs aus dem Feuer retten konnte, dann bist du heute erst recht gerettet. Aber du musst ihm glauben. Si l'Éternel était capable de les sauver, toi aujourd'hui tu es déjà sauvé, mais tu dois avoir foi en lui, tu dois le croire. Amen. Amen. Samuel was not pleased with words with King Saul. He was not pleased with him. Samuel hat es gar nicht gefallen, was König Saul da gemacht hat. Les actions du roi Saül n'ont pas plu à Samuel. Just like, you know, so many times when you take decision, I'm not pleased with it at all. Genauso wie wenn ich manchmal die Entscheidungen sehe, die ihr trifft, die mir auch gar nicht gefallen. Tout comme moi aujourd'hui, je suis pas toujours vos décisions ne me plaisent pas toujours. Amen. If Samuel was not pleased, it means the Lord was not pleased. If I am not pleased, it means the Lord is not pleased. Wenn es Samuel nicht gefallen hat, bedeutet das, dass es den Herrn auch nicht gefallen hat. Und wenn es mir nicht gefällt, dann bedeutet das, dass es dem Herrn auch nicht gefällt. Donc si Samuel, les décisions n'ont pas plu à Samuel aujourd'hui, si ça veut dire que non. Quand Samuel n'était pas satisfait avec leurs décisions, ça veut dire que l'Éternel n'était pas satisfait avec les décisions qu'ils ont prises. Tout comme aujourd'hui, si dans notre église, si moi, je ne suis pas satisfait avec vos décisions, ça veut dire aussi que l'Éternel n'est pas satisfait avec vos décisions. Matthieu 11 says, what I have is greater than what Samuel had. In Matthäus steht, dass das, was ich heute habe, größer ist als das, was Samuel damals hatte. Dans Matthieu, il est écrit que ce qu'on a aujourd'hui est plus grand que ce que Samuel avait dans le passé. 1 Samuel 8, from verse 1 to 7, we'll quickly read. 1 Samuel 8. And it came to pass, when Samuel was old, are we there, please? That he made his sons judges over Israel. Verse 2. Now the name of his first son was Joel, and the name of the second Abia. They were judges in Bethsaida, by Beershah Sheba. And his sons walked not in his ways, but turned aside their luxury, and took bribes, and pervert judgment. You see, as mighty as Samuel is before God. And look at the children. Mm-hmm. You can see we are like horses on him. You can see that Samuel war so groß vor dem Herrn, aber seine Kinder hatten diese Gottesfurcht anscheinend. Malgré que Samuel était un homme de Dieu, qu'il était vraiment agréable à l'Éternel, ça ne veut pas dire que ses enfants automatiquement vont aussi craindre l'Éternel. It's better you don't have any child than having children that is not of Christ. Mm-hmm. It's better. Mm-hmm. Das zeigt uns, dass es ist besser, gar keine Kinder zu haben auf der Erde, als Kinder zu haben, die nicht von Christus sind, die nicht nach Christus trachten. Ça nous montre que c'est même mieux d'avoir, de pas avoir d'enfants au lieu d'avoir des enfants qui nous écartent l'Éternel, qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. If you read here, you can see because of the children's attitude, the people rejected God. Wenn ihr hier weiter liest, dann könnt ihr sehen, dass aufgrund des Verhaltens von den Kindern haben die Menschen hier Gott rejected, also verweigert. Et on peut voir que le peuple a rejeté l'Éternel à cause du comportement des enfants de Samuel. Praise the Lord. In verse 4, then all the elders of Israel gathered themselves together and came to Samuel unto Ramah. 5. And said unto him, behold, thou art old, and your sons walk not in the ways. Now make us a king to judge us like all the nations. It's better there was no children at all. Es wäre wirklich besser gewesen, wenn da gar keine Kinder wären. Are you getting it? Ça aurait été même mieux que y a même pas d'enfants là. And that's why to train the children, like you know Abraham trained Isaac. Amen. He never questioned Abraham's decision. You can see the difference. Amen. Deswegen sollten wir uns ein Beispiel an Abraham nehmen, wie er Isaac im Herrn trainiert hat und im Herrn erzogen hat, weil dieser Sohn, also sein Sohn, hat die Entscheidung von Gott niemals in Frage gestellt. Et on peut voir la différence entre Isaac et les fils de Samuel, parce que Isaac n'a jamais mis en question les décisions de son père quand il a pris ses décisions à travers les ténèbres, parce qu'il était aussi obéissant, parce qu'il a été éduqué dans la parole, il a été éduqué dans la crainte de l'Éternel. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. And that's why it's so good to train children, please. Mm-hmm. Amen. So I'm not wasting time. Keep on repeating it to them. Mm-hmm. Deswegen sollten wir unsere Kinder wirklich in Christus erziehen. Und uns nicht einreden lassen, dass wir Zeit verschwenden. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important d'éduquer ses enfants dès tout petits en l'Éternel et pas prendre et pas croire que ce temps est en vain. Verse 6. But the things displeased Samuel. Amen. Amen. When they said, give us a king to judge us, and Samuel prayed unto the Lord. And the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee, For they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The Lord said, rejecting Samuel means rejecting me. Der Herr sagt, dass wenn wir, der Herr sagt, Samuel zu verwerfen, bedeutet, dass ihr ihn selbst verwerft. Et l'Éternel nous dit que quand vous rejetez Samuel, vous rejetez aussi automatiquement l'Éternel. If he can say that about Samuel, how much more about me? Wenn er das über Samuel sagen kann, wie viel mehr kann er das jetzt über mich sagen? Et s'il était capable de dire ça sur Samuel, à quel point il est capable de dire ça sur moi aujourd'hui? Amen. If he can say that about Samuel, how much more about your children? Wenn er das über Samuel sagen kann, wie viel mehr kann er das über They reject Christ and not just you alone. Über uns sagen jetzt vor anderen Leuten, denn diese Menschen verwerfen nicht uns, sondern Jesus Christus. Et s'il était capable de dire ça sur Samuel, à quel point il est capable de dire ça sur vous aujourd'hui? Quand les gens, quand vos amis, vos membres de famille vous rejettent, c'est pas, ils sont pas en train de vous rejeter quand vous leur donnez la parole, ils rejettent l'Éternel lui-même. I'm not here without him. Ich stehe hier nicht ohne ihn. Parce que moi aujourd'hui, je ne suis pas ici sans lui. I never speak without him. Ich spreche auch niemals ohne ihn. Et je ne parle jamais sans lui. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Christ cannot walk with the old man. Jesus Christus kann nicht mit den alten Menschen leben, arbeiten. Jésus Christ ne peut pas travailler à travers l'ancienne personne. Darkness and light cannot walk together. Mm-hmm. Die Dunkelheit und das Licht können nicht zusammenarbeiten. La lumière et l'obscurité ne peuvent pas travailler ensemble. John 14. Jean 14. Praise the Lord. John 14, please. Praise the Lord. John 14, please. Amen. Jean 14. Praise the Lord. It's good to know who we are, to be sure. Es ist gut zu wissen, wer wir sind, dass wir verwurzelt in unserer Identität sind. Amen. C'est très important de savoir qui on est, d'être raciné dans son identité. To be able to say Christ and I, we are one and not two. That's how Jesus was moving. In der Lage zu sein, zu sagen, dass Jesus und ich, wir sind nicht zwei Personen, sondern eine Person. Ja, das ist das Ziel. Weil genauso hat Jesus Christus auch mit seinem Vater hier auf Erden gelebt. D'être capable de dire que Jésus-Christ et moi, nous sommes un. Tout comme Jésus-Christ l'a fait quand il était sur terre, parce que lui et le Père, ils étaient un. You know, that's what is also called humility. Das nennt man nämlich auch Demut. Ça aussi, c'est une preuve d'être humble. For you to believe and say it out to people that Christ and you are one and not two. It's humility before Christ. But in the natural or religious world, it's pride. I don't know if you are getting it. Zu sagen, also hier auf Erden, auch von Menschen zu sagen, dass du und Jesus Christus eins seid und nicht zwei, das ist wahre Demut vor Jesus Christus. Aber Religion wird das als Stolz betiteln, aber Jesus Christus betitelt das als Demut. Être capable de dire que toi et Jésus Christ, vous êtes un. C'est peut-être pour la religion, pour le monde, ça ils vont dire que t'es orgueilleux, que t'es hautain, mais ça veut dire s'humilier devant Jésus-Christ, parce que tu considères sa réalité et pas la réalité de ce monde, son système et pas le système de ce monde. You get it, please. Mm-hmm. It means you are doing the same thing that Moses did in number 12. Amen. Das bedeutet, du machst genau dasselbe, was Moses gemacht hat. Et ça veut dire que tu fais la même chose que Moïse a fait dans Nombre 12 qu'on a lu. It means you have grown out of the pride of this world. You know what this world, the pride of this world, what they are proud of. They are proud to bring down themselves. But you bring them down, they fight you. Das heißt, du bist I don't know if you get it. Das heißt, du bist aus dem Stolz von dieser Welt herausgewachsen, aus dem Stolz der Welt hinter dir gelassen. Ça veut dire que l'orgueil de ce monde n'est plus n'est plus, ne t'affecte plus. Tu es capable à te soumettre sous la vérité de l'Éternel et ne plus considérer le système de ce monde. It means you are doing the same thing that Jesus did. He said, I and my Father, we are one. Mm. It means your concentration, your focus is him alone. Mm. Und das wiederum bedeutet, dass du das genau dasselbe machst, was Jesus Christus auch hier auf der Erde gemacht hat. Denn er hat auch immer wieder gesagt, dass er und sein Vater sind eins. Das zeigt, dass deine Konzentration, dein Fokus ist 100% Christus. Et ça veut dire que tu es capable de faire que ce que Jésus-Christ a fait quand il était ici sur terre. Parce que lui, il était toujours, ses yeux étaient toujours vers son Père, toujours vers l'Éternel. Et tout comme nous aujourd'hui, on est capable de dire que nous, on n'est rien sans Jésus-Christ. On est un avec Jésus-Christ parce qu'on est toujours concentré sur lui. Amen. Sur rien d'autre. It also means that Galatians 2:20 that we read that we are crucified with Christ. Amen. We are crucified with him. Amen. That we now live the life. He, as his Father sent him, so also he sent us. We are living the life he lived with his Father. Das bedeutet, dass wir Galater 2:20 wirklich verstanden haben und anwenden, dass wir mit Jesus Christus gekreuzigt worden sind und mit ihm auch wieder auferstanden worden sind. Das, genauso wie der Vater Jesus Christus gesandt hat, hat Jesus Christus jetzt uns gesandt. Ça veut dire que on est, encore une fois, on est comme lui, comme Jésus-Christ a été envoyé par le Père, il nous envoie aujourd'hui. Ça veut dire qu'on doit vraiment avoir notre concentration seulement sur lui et sur rien d'autre. Praise the Lord. Amen. Let's go to John 14, please. Jean 14. Verse 14. From verse 14 to 28. Merci. From verse 15 to 28. Sorry. De 15 à 28. Vers 15 bis 28. He said, if you love me, keep my commandment. Oh, daddy. If you believe me, you will choose me. That's what he said. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Wenn ihr mir glaubt, werdet ihr mich auch wählen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et si vous, c'est donc, on peut dire que si on l'aime, on va aussi le suivre. If you believe me, you will obey me. Wenn ihr mir glaubt, wirst du mir auch gehorchen. Si on croit en Jésus-Christ, on va aussi l'obéir. Amen. Amen. If you love me, keep my commandment. Wenn du mich liebst, wirst du meine Gebote halten. Si tu m'aimes, tu vas garder mes commandements. If you love me, obey me. Wenn du mich liebst, gehorche mir. Si tu m'aimes, obéis à ma voix. Look at it again. Obéis-moi. If you love me, keep my commandment. His commandment, his word is his commandment. Amen. Sein Wort ist auch sein Gesetz. Sa voix est aussi sa parole. Are you getting it? Mm-hmm. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever, not for some time, forever. Mm-hmm. Der Heilige Geist, der Beistand, wird mit uns für immer sein, wird bei uns dann für immer, nicht nur für eine gewisse Zeit. Et il va nous donner le Consolateur, le Saint-Esprit, et le Consolateur sera toujours avec nous, pas seulement pour un certain temps. Amen. Amen. If you love me, if you believe me, obey me. Then the Holy Spirit. Amen. Then the Holy Spirit will be there for you. Wenn du mich liebst, wirst du mir gehorchen. Und dann kann auch der Heilige Geist für dich arbeiten. Donc, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si on obéit à l'Éternel, à Jésus-Christ, là, le Consolateur, le Saint-Esprit est capable à être là pour nous. Praise the Lord. Et ça pour toujours. Alléluia. I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. But first, if you love me, keep my commandment, choose me. You have to choose me. You must believe me. Ja, also Jesus Christus sagt hier, dass Er wird uns einen Beistand schicken, einen Beistand geben, der für immer bei uns bleiben wird. Aber bevor das passiert, musst du dich halt für Jesus, müssen wir uns für Jesus Christus entscheiden. Wir müssen ihn wählen. Wie er hier in 15 gesagt hat, dass wenn ihr mich wirklich liebt, dann werdet ihr, werdet ihr mir auch gehorchen. Donc, encore une fois, tu dois d'abord choisir Jésus-Christ afin que afin qu'il puisse prier au Père pour nous donner le Consolateur qui demeurera éternellement avec nous. Mais c'est nécessaire de d'abord croire afin qu'il puisse nous donner le Saint-Esprit. If you really believe Christ, to act on it, the Holy Spirit is there to help you. But first, you must believe him. Are you getting it? The action, he is the one to help you. Even to believe him, he is the one. The word, through the word, you believe him. Faith comes by hearing. Hearing by the word of Christ. You get it? Through his word, you hear, you believe him. And to act on it, depending, you know, you cooperate with the Holy Spirit to act on him. Wenn du ihm wirklich glaubst, danach dann zu handeln, dabei wird der Heilige Geist dir helfen. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Aber selbst, dass du ihm glaubst, kannst du nicht aus eigener Kraft, sondern es kommt auch von Jesus Christus selbst. Donc, encore une fois, tu dois croire en Jésus-Christ, afin que le Saint-Esprit peut t'aider à continuer à croire en Jésus-Christ. Donc au début, tu dois d'abord croire en Jésus-Christ, mais sans le Saint-Esprit, sans le Consolateur. Après, tu ne seras pas capable à continuer à croire en lui. C'est pour ça que tu as d'abord besoin du Saint-Esprit. Verset 17. Il dit, even the spirit of truth, and not the spirit of lies, the spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but you know him, and he dwelleth with you, and shall be in you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I will not leave you comfortless. I will come to you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Let us leave it here. Amen. Amen. To believe is very, very important in Christ's word. Zu glauben. Very, very important. Zu glauben ist sehr, sehr wichtig in der Welt von Jesus Christus. De croire est très, très important dans le royaume des cieux, dans le monde de Jésus Christ. If possible, force yourself to believe. Wenn es möglich ist, zwing dich selbst, Jesus Christus zu glauben. Si c'est possible, force-toi à croire en Jésus-Christ. Look at Hebrews 4. Hébreux 4. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Keep on forcing yourself. The flesh, the body needs force. Zwing dich, Amen. Zwing dich immer und immer weiter, Jesus Christus until zu glauben. You are mature. Because you're forcing yourself means that your level of maturity is still low. Because there's a place you matured up to that you will not even force yourself. That you are forcing yourself means you are still so young. Amen. Zwing dich immer und immer wieder, dem Herrn zu glauben. Bis du diese Reife entwickelt hast, dass man dich nicht mehr zwingen muss, dass du dich selber nicht mehr zwingen musst, denn dass du dich zwingen musst, zeigt, dass du noch jung bist, noch klein bist in diesem Punkt. Zwing dich bis dahin, dass du diese Reife entwickelt hast, dass es dein Lifestyle geworden ist, Jesus Christus zu glauben. Donc tu dois te forcer à croire en Jésus-Christ. Le fait que tu dois te forcer, ça va aussi te montrer ton niveau de maturité en Jésus-Christ. Jusqu'à quand tu vas arriver à un certain niveau où tu ne dois plus te forcer à le faire, mais ça va être quelque chose de complètement naturel. Praise the Lord. Amen. So let us therefore fear, lest a promise be left us of entry into his rest. And any of you should seem to come short of it. Verse 2. For unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Amen. Amen. Not being mixed with faith. Not believing the gospel that is being preached. Profit you nothing. Das Wort, was gehört wurde, wurde nicht mit dem Glauben verbunden. Es bringt dir nichts, das Wort Gottes zu hören, wenn du nicht daran glaubst. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de nous périssa, paraisse être venu trop tard. Donc, on doit mélanger la parole de Dieu qu'on entend avec notre foi, parce que sinon, ça ne nous sert à rien. Amen. Amen. To believe and to obey. Zu glauben und danach zu handeln. Donc, on doit croire et obéir. Amen. Amen. To believe without action is a dead faith, according to the Bible. Zu glauben und zu handeln. Without action. Also zu glauben, okay. Ohne daran zu handeln, okay. Ist ein it's toter a dead Glauben. Faith. Ohne die Taten. Ja, ist ein toter Glaube. Une foi sans action, après sans agir sur cette foi est une foi morte. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouvera pas de la foi chez eux qui l'ont entendu. Qui l'ont entendu. Voilà. Amen. Jacques 2, verset 26. Jacques 2, verset 26. Amen. Jakobus 2, 26. For as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. A dead faith. Ein toter Glaube. Une foi morte. Jacques 2, verset 26. Let me read it. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Amen. Amen. You believe it. You believe it and act on it. It's very, very important. If you go to Mark 5. Mark 5. Maybe we close there. Amen. With Mark 5. Go to Mark 5. Es ist sehr, sehr wichtig, daran zu glauben und daran zu glauben und halt auch dementsprechend zu handeln. Donc c'est très important de croire et aussi agir selon cette croyance. Force yourself like the woman with issue of blood. Zwing dich, genauso wie die Frau mit den schweren Blutungen sich gezwungen hat. On doit se forcer comme la femme avec les problèmes de sang. Are you getting it? Mm-hmm. You know, this woman did not even care what was going to happen to him, to her name. No matter what, you know, people, he was not even supposed to be there. He was not supposed to touch anybody. But he did not care. Mm-hmm. He forced herself into death. Dieser Frau mit den Blutungen, mit schweren Blutungen, war es völlig egal, sozusagen, was um sie herum passiert. Eigentlich hätte sie gar nicht da sein sollen und sie hätte auch definitiv kein Recht, irgendjemanden anzufassen. Aber sie hat sich gezwungen, da zu sein und gezwungen, diesen Mantel von Jesus Christus anzufassen, mm-hmm. weil sie geglaubt hat. Parce que la femme avec elle était même pas censée être dans la foule, elle était pas c'était James interdit 5, sorry, James 5, not James 4. Did I say James 4? C'est Mark. Mark 5. Oh, sorry. Mark 5. Elle était même pas censée être là, mais elle s'est forcée à croire, elle s'est forcée à toucher l'habit de Jésus-Christ. Et mais tout ça, elle l'a fait à travers la foi. C'est pour ça que Jésus-Christ a pu la remarquer, a remarqué que quelqu'un l'a touché avec la foi. Praise the Lord. Hallelujah. 3 from 20, please. Verset 20. And he departed and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him. And all men did marvel. That's another story. Then verse 4, verse 21. And when Jesus was passed over again by sheep into the other side, much people gathered unto him, and he was nigh unto the sea. And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet. 23. And besought him greatly, saying, my little daughter lived at the point of death. I pray thee, come and lay your hand on her, and she may be healed, and she shall live. Verse 24. And Jesus went with him, and much people followed him and thronged him. 25. And a certain woman which had an issue of blood 12 years. Verse 26. And has suffered many things of many physicians, and has spent all that she had. It looks like some of us today. Amen. Some people got children today. Amen. And was nothing better, but rather grew worse. 27. When she had heard of Jesus, came in the press behind and touched his garment. For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. Amen. Amen. And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, who touched my clothes? Praise the Lord. Hallelujah. 31. And his disciples said unto him, thou seest the multitude troubling thee, and said thou who touched me? 32. And he looked round about to see her that had done this thing. 33. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. 34. And he said unto her, daughter, your faith. Praise the Lord. Amen. Your faith have made thee whole. Go in peace and be whole of your plague. Verse 35. While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue house certain which said, your daughter is dead. Why troublest thou the master any further? As soon as Jesus heard the word that was spoken, he heard the voice also. He heard doctor's report. He hear everything. He always hear it. But he's saying it's unto you too. Amen. Amen. Amen. Let you choose who to believe. Amen. Believe him, please. Jesus Christus. Amen. Amen. Jesus Christus hört alles, was ja, was Menschen, was Situationen uns sagen. Er hört den Arztbericht. Er hört your school results. Er hört das, deine Note in der Uni, in der Schule. He hört dein, your body. Ja, er hört dein Körper. Er hört den Schmerz. Er hört dein Bankkonto. Aber gleichzeitig spricht er auch zu dir. Und es ist deine, ja, es ist deine Entscheidung. Es liegt in deiner Verantwortung. Ja, es ist deine Entscheidung, dich dafür zu entscheiden, welcher Stimme du hörst, zuhörst und welcher Stimme du glaubst. Jésus-Christ, il connaît ta situation, il sait quelle menace, quelle chose te menace, qui te parle, que ce soit ton compte de banque, que ce soit ton travail, que ce soit ta situation familière, que ce soit tout ce qu'il y a dans ce monde, il le sait. Mais il faut savoir qu'en même temps, même si les choses te parlent, lui aussi en même temps te parle. Et maintenant, c'est à toi de savoir à quelle voix tu vas entendre, quelle voix tu vas écouter, quelle voix tu vas obéir. Praise the Lord. Amen. He said, as soon as Jesus heard, you know, you don't need to tell him the doctor's report or your school results or the pay. He wants you to believe him because he is also speaking, just like they are speaking. Are you getting it? You choose who to believe. Du musst Jesus Christus gar nichts von deinen Schmerzen erzählen oder von deiner Note erzählen, weil er hört das alles auch. Aber gleichzeitig spricht er halt auch zu dir. Und du entscheidest, ob du ihm glaubst, seinen Worten glaubst oder den Worten dieser Welt glaubst, deiner Schulnote glaubst, deinen Ergebnissen glaubst, deinen Schmerzen glaubst. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire de dire à Jésus-Christ quel problème tu as, parce qu'il sait quel problème tu as, il sait ce qui se passe dans ta vie. Mais c'est à toi vraiment de décider, ok, est-ce que tu vas te concentrer sur Jésus-Christ, tu vas seulement obéir à sa voix ou obéir à la voix de ce monde, obéir à la voix de la chair. He hears and knows the pain you are going through. Er hört und kennt den Schmerz, den du gerade durchmachst. Il connaît les, il entend et il voit le mal que tu as, les douleurs que tu as. He's there with you. Er ist dort mit dir. Mais il est là avec toi. He never separates himself from you. Parce qu'il trennt sich niemals von dir. Parce qu'il se sépare jamais de toi. Amen. Amen. Amen. Amen. I'm very sure the three Hebrew boys did not know that he was with them until they got into the fire. Ich bin sicher, dass die drei griechischen Jungs sich gar nicht bewusst waren, dass der Herr mit ihnen war, bis zu dem Zeitpunkt, als sie wirklich gesehen haben in ihren physischen Augen, dass er da mit ihnen steht. Je suis sûr que les trois garçons hébreux n'étaient pas conscients que l'Éternel était avec eux jusqu'à quand ils étaient dans le feu et ils l'ont vu avec eux. Be aware he's with you all the time. Seid ihr bewusst, dass er alle Zeit mit dir ist. Amen. On doit être conscient qu'il est avec nous à chaque moment. Amen. Amen. Then he told this man, he said, be not afraid. Don't be afraid of the news. Don't be afraid of whatever it is. How powerful it is. How you know you can even see with your natural eye? It's not what you see with your natural eye. You know this that Syrian that boy, Elisha and the servant. His eyes could see the Syrian army with the natural eyes, but that does not mean you don't have victory. Are you getting it? You know they have their fat. You have your own fat. Your fat is greater than theirs. Amen. Are you getting it, please? Yeah. Don't be afraid of what they are going to say or what they have said. Genauso wie Jesus Christus Jairus gesagt hat, dass er keine Angst haben soll von dem, was er hört, genauso sagt er uns auch heute, dass wir keine Angst haben sollen vor dem, was wir hören, was wir sehen, egal wie groß es ist, wir sollen keine Angst haben. Genauso wie in der Geschichte mit der syrischen Armee. Die syrische Armee war zahlreich, sie war groß. Aber trotzdem hat der Herr gesagt, habt keine Angst, weil die, die mit euch sind, sind viel zahlreicher als die, die mit denen sind. Das heißt, dass die Menschen in dieser Welt haben ihre eigenen Fakten und wir haben unsere eigenen Fakten. Und wir müssen uns dazu entscheiden, unsere, die himmlischen Fakten, mehr zu glauben, mehr Glauben zu schenken als den irdischen Fakten. On peut voir que la foule ou alors le comment il s'appelle quand il parlait encore survenant le chef de la synagogue lui a dit à l'homme que sa fille était morte, mais Jésus-Christ lui a répondu de ne pas avoir peur et de seulement de croire. Et c'est la même chose qu'il nous dit aussi aujourd'hui. Il sait que les rapports du médecin, que ce soit le travail ou quoi que ce soit, nous parle. Mais ce qui est important, c'est que peu importe les voix qu'on entend dans ce monde, qu'on obéisse seulement à la voix de notre Père, qu'on obéisse seulement à la voix de Jésus-Christ, parce qu'il a déjà tout accompli en nous, même si on peut le voir physiquement avec nos yeux naturels, que la situation nous dit peut-être quelque chose d'autre, mais on doit savoir, on doit plutôt croire au système et au fait du royaume des cieux, parce que les faits qu'on voit ici sur terre ne sont pas les faits qui sont valables pour nous. On doit se concentrer sur l'éternel et connaître sa vérité, tout comme Élisée et son servant, ils avaient l'armée syrienne devant eux, mais ils connaissaient aussi le fait que ceux qui sont avec eux, ils étaient beaucoup plus nombreux. Et ça doit être notre vérité. On doit s'entraîner, s'exercer dans sa parole afin qu'on puisse aussi vivre à travers sa parole, à travers la foi. Praise the Lord. Alléluia. Be not afraid of any news. Amen. Hab keine Angst vor jeglicher Nachricht. Donc, les infos qu'on reçoit ne doivent pas nous inquiéter. Don't be afraid of any confession that you have confessed to people. Hab keine Angst vor irgendeiner Bezeugung, die du vor Menschen ausgesprochen hast. Et n'aie pas peur de quelconque confession que tu as fait devant l'homme. Don't be afraid of if what about in future? Don't be afraid of anything at all. Mm-hmm. He said, only believe. Amen. Mm-hmm. Hab keine Angst, believe me. Hab keine Angst vor der Zukunft. Hab keine Angst von diesen Was-Wenn-Fragen. Sondern glaube ihm einfach. Glaube einfach an deinen Vater. Und Abba. Und hab auch keine Angst vor diesen Abbas. Mm-hmm. N'aie pas peur de l'avenir. N'aie pas peur des questions que le temps peut te poser, que tu dois seulement croire. C'est ça qui est important. Verse 37. And he suffered no man to follow him, save Peter and James and John, the brother of James. 38. Mm-hmm. And he came to the house of the ruler of the synagogue, and seeing the tumult, and them that wept and wailed greatly. 39. And when he was come in, he said unto them, why make you this ado and weep? Praise the Lord. Amen. Let us just believe it. Amen. Amen. That's when we just live this life. Mm. That you don't even, you just say, what is that? Mm. Amen. Lass uns ihn einfach glauben, damit wir auch so ein Leben führen wie Jesus Christus, der no stress, no. Ja, der in so einer Situation keinen Stress hat, keine Angst hat. Ja. Yeah. Keine Angst. Panik. Hat, keine Panik hat. Er guckt sich die Situation an und schüttet einfach über diesen Unglauben der Menschen. On doit vraiment faire tout qu'on croit comme Jésus-Christ pour qu'on n'a pas la peur ou du stress quand nous sommes dans des situations différentes. Praise the Lord. Hallelujah. You know, people think, you know, in the natural world, yes, it's about your period. In Christ world, your period has nothing to do with your babies. Amen. Mm. In der weltlichen, also in der irdischen Welt, hat deine Periode, deine Tage, sehr viel damit zu tun, ob du schwanger bist oder nicht. Aber in der himmlischen Welt, in der wir jetzt leben, hat das gar nichts mit einer zu tun. Das steht gar nicht in Verbindung. Du kannst deine Periode haben und trotzdem schwanger sein. Okay. Ist la même chose avec, avec la période, par exemple, ici au monde naturel. Par exemple, tes règles aussi, ça montre si tu vas être enceinte ou pas au monde naturel, mais au monde du Christ, ça n'a rien à montrer. The problem is not you are seeing any period. The problem is you are in panic. Mm-hmm. Das Problem ist nicht, dass du deine Periode bekommst, sondern das Problem ist, dass du direkt in Panik verfällst. Et le problème n'est pas, le problème est pas que tu as tes règles, mais que tu as peur. Praise the Lord. Alléluia. The problem is not, you know, the what can abort anything is you are not believing him. Mm-hmm. That's all. Mm-hmm. The problem is not the natural things that you see. Das Problem ist niemals das natürliche Problem, was du siehst. Das, was Dinge abtreiben kann und abtreiben wird in deinem Leben, ist dein Unglaube. Et la seule chose que, qui peut avorter les choses, c'est ton incroyance et pas le fait que tu as tes règles. So many times we believe we are no longer in this world, but in so many ways we are still there. Mm-hmm. Are you getting it? Ja, wir glauben zwar, dass wir wir glauben zwar, dass wir nicht mehr in dieser Welt sind, aber unsere Wege, unsere Einstellung zeigt eigentlich, dass wir doch noch in dieser Welt leben, weil wir immer noch den Prinzipien dieser Welt mehr Glauben schenken als den Prinzipien von Jesus Christus. Souvent on croit qu'on ne fait plus partie à ce monde, mais nos attitudes et nos réactions, ça nous montre qu'on fait toujours partie au système de ce monde. It's only Jesus that is to tell you it's no longer there. Nothing else. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. It's the only Christ that will tell you you fail. Not your result, not your report. Nur Jesus Christus sollte die Person sein, die dir sagen kann, dass du versagt hast, nicht das weltliche Ergebnis. I hope you understand. Seulement Jésus Christ qui a le droit de te dire que tu as échoué et pas le monde ou bien tes résultats. We are so used to the system of this world that to come out is almost impossible. We see what they see. We believe what they believe. But we are saying in the name of Jesus. But we believe what they believe. Wir sind noch zu krass gewohnt an das Prinzip dieser Welt. Wir sagen zwar im Namen von Jesus Christus, aber wir glauben dem Spaß nicht wirklich. Et nous sommes toujours habitués au système de ce monde parce qu'on considère toujours ce que nos cinq sens nous disent et nous ne sommes pas encore arrivés au monde du Christ. One must be lying. One person must be lying, but not Jesus. Amen. Eine Person muss lügen, aber diese Person ist definitiv nicht Jesus Christus. Amen. Et c'est une personne qui est en train de mentir, mais c'est pas Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Even 39 says, when he was come in, he said unto them, what maketh you this ado and weep? The damsel is not dead, but sleepeth. 40. And they laughed him to scorn. They laughed him, but that could not stop them. Stop him from doing his job. They let them forget about their laughter. Forget what people are going to say. Once you confess, it's confessed. And believe it if it will take 20 years. I don't know if somebody is getting it. Jesus Christus hat hier zu den Menschen gesagt, hat die Menschen gefragt, warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Die Menschen haben ihn ausgelacht. Das zeigt uns, dass es geht nicht um das Gelache der Menschen. Wir sollten das Gelächter von ihnen sozusagen ausschalten. Es sollte uns egal sein. Sobald wir etwas... Sobald wir etwas bezeugen, sollten wir ihm auch einfach Glauben schenken. Egal wie lange es dauert, egal wie viele Menschen uns auslachen, egal was Menschen dazu sagen werden, wir glauben unserer Bezeugung, weil wir Jesus Christus bezeugen. Et quand Jésus-Christ a dit que l'enfant n'est pas mort et qu'elle dort, il y avait des gens qui se moquaient de Jésus-Christ. Et c'est ça pourquoi on ne doit pas considérer la moquerie des gens, mais c'est que Jésus-Christ a dit, parce que les choses qu'on fait, ou bien les choses qu'on nous sommes en train de confesser dans la foi, c'est de la folie pour les gens, mais c'est la vérité pour le royaume des cieux. You know, their laughter, do you know why it's painful to you? Because you are still full of the flesh. Mm-hmm. If you know that they are laughing at Jesus, it will not even do you anything. Mm. You will even pray for them. Mm. Weißt du, warum das Gelächter dieser Menschen dir immer noch wehtut? Weil du immer noch voll vom Fleisch bist. Du bist voll von Oh, you are worried about their laughter. Du bist voll von dir selbst. Das zeigt einfach, dass also wenn du immer noch, wenn dir das Gelächter von anderen Menschen immer noch ja wehtut, dich immer noch traurig macht. Wenn dir aber bewusst wäre, dass diese Menschen nicht dich auslachen, sondern Jesus Christus, würdest du sogar noch für diese Menschen beten, weil es gibt nichts Schlimmeres, als über Jesus Christus zu lachen. Mm-hmm. Et si tu as toujours, si ça te fait mal que les gens se moquent de toi, là ça montre que tu es toujours rempli de la chair et que tu es aussi rempli de tes cinq sens. You know, if you say you are born again today, nobody will believe you in the natural world. Mm-hmm. They don't even know what is born again. Wenn du heute sagst, dass du wiedergeboren bist, wird dir kein Mensch glauben, weil sie ja nicht mehr wissen, was Wiedergeburt wirklich heißt. Sie werden dich fragen, wie oft kann denn ein Mensch aufs Neue geboren werden, so wie Nicodemus gefragt hat. Et si tu dis les gens que tu es né de nouveau, ils vont même pas te croire parce qu'ils comprennent pas la signification d'être né de nouveau. So also they cannot understand our victory. Mm. Genauso können sie auch nicht unseren Sieg verstehen. That you are pregnant, they cannot understand it. Mm-hmm. Sie können nicht verstehen, sie können nicht nachvollziehen, dass du schwanger bist. Et c'est comme ça aussi, ils ne peuvent pas comprendre nos victoires, parce que c'est la même chose si par exemple tu es enceinte, ils vont pas comprendre que tu es enceinte parce qu'ils voient ils voient la chair. After confession, you are already pregnant. Nach der Bezeugung bist du schon schwanger. Après la confession, tu es déjà enceinte. Don't abort that baby. Mm. Through your doubt, your fear, your panic. Treib das Baby nicht ab aufgrund deines Unglaubens und der Zweifel. N'avorte pas le bébé à cause des doutes et ta peur. Jesus said, only believe. That's all. Mm. Jesus Christus hat gesagt, only. Du sollst nur glauben. Eine Sache. Et Jésus-Christ l'a dit, tu dois seulement croire. Amen. And there's one thing here. He did not tell that child to believe, but the father to believe. Mm-hmm. Jairus to believe. Und noch eine Sache. Is somebody getting it? Ausschlaggebend ist das, er hat nicht dem Kind gesagt, dass es glauben soll, sondern dem Vater hat er gesagt, er soll glauben. Et une autre chose est qu'il n'a pas dit à l'enfant de croire, mais il a dit à son père de croire. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. We close with that, please. So please, if you have any question or any... Ich habe was. Yes, sure.